étiez le sourire du matin de RP3. Nous sommes donc ici aujourd'hui dans l'émission Agro J'écoute et le thème du jour porte sur la perception des agriculteurs par le grand public. J'ai vu l'autre jour une émission sur le glyphosate. Ça fait des années qu'on sait que c'est mauvais pour notre santé, que ça pollue le sol, que ça pollue l'eau. J'aimerais comprendre pourquoi les agriculteurs ne changent pas. Alors en fait, c'est pas si facile de changer. La transition, elle est un petit peu compliquée. Et puis, quand on regarde la période d'utilisation des produits phytosanitaires depuis l'invention de l'agriculture, c'est vraiment très petit, quoi. Attends, par produits phytosanitaires, tu veux dire quoi ? Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours exactement ce que c'est. Les produits phytosanitaires, c'est des produits de protection des plantes, de synthèse ou alors d'origine naturelle, comme les produits de biocontrôle en agriculture biologique. Ok, merci. Mais du coup, comment est-ce que les agriculteurs ont commencé à les utiliser ? En fait, les produits phytosanitaires, ils sont utilisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, il était vraiment nécessaire de produire beaucoup pour pouvoir nourrir toute la population en France. Et c'est ce qu'on a appelé la révolution verte, ou l'industrialisation de l'agriculture, si tu préfères. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin de produire autant et on réfléchit notre agriculture autrement. On va vers des systèmes un peu plus durables. Donc on réfléchit à des nouveaux systèmes agricoles. Et en plus, le consommateur, il s'intéresse de plus en plus à sa santé. On le voit très bien que franchement, on considère tout le temps la qualité dans l'alimentation. Et que ça s'est développé depuis les scandales alimentaires, comme par exemple la vache folle. On s'en souvient dans les années 90. Voilà, donc en fait... Les consommateurs, ils veulent des produits de qualité. Donc maintenant, on veut préserver notre santé. Donc ça, c'est normal et puis c'est légitime. Mais en fait, on demande aux agriculteurs de changer tout de suite leur façon de produire. Mais ils ont souvent beaucoup investi. Et ils ont du matériel agricole qui coûte très cher. Donc on ne peut pas leur demander de changer comme ça du jour au lendemain. Mais oui, l'investissement, c'est un gros problème pour les agriculteurs. Par exemple, imagine si tu investis dans une nouvelle voiture à la pointe de la technologie. Tu as investi plein d'argent dedans et demain, on te dit que tu vas devoir la jeter parce que l'environnement, c'est pas bon pour l'environnement, du coup, tu dois la changer alors que tu en as besoin tous les jours pour aller travailler. C'est sûr, je serais dégoûtée. Et j'avoue qu'en tant que citadin, on n'est pas hyper bien informé sur ces questions-là. Je vois mes petits frères et sœurs, ils savent même pas reconnaître les légumes. Et puis même, moi, je cuisine pas beaucoup... J'utilise surtout des produits transformés, voilà, c'est pas top quoi. Bah ouais, c'est ça. En fait, avec le développement de la grande distribution, ce qu'on observe en fait, c'est que les produits se sont standardisés. Et du coup, les consommateurs, ils ont un peu perdu ce rapport à la terre et à la cuisine. Et en fait, on se rend compte que les consommateurs n'ont pas vraiment conscience de la saisonnalité des produits, ni du travail en fait que ça demande de produire un kilo de tomates, un kilo de courgettes. Et on n'est pas non plus conscient de la manière dont les agriculteurs sont rémunérés. Attends, mais du coup, avec l'utilisation des produits phytosanitaires, les agriculteurs ils produisent beaucoup plus quand même. Ils doivent bien gagner leur vie. En fait, ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas parce qu'on utilise des produits phytosanitaires qu'on gagne mieux notre vie. Il y a des agriculteurs qui gagnent très bien leur vie, c'est vrai. Mais c'est vraiment une part infime du secteur agricole. En général, l'agriculteur il doit travailler pour des centrales d'achat, pour des grosses coopératives. Et en fait, il ne décide pas de son prix de vente. Donc, il ne sait pas s'il va pouvoir avoir une rémunération qui couvre ses coûts de production ou pas. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, moi, par exemple, mon oncle, il était éleveur laitier. Mais là, aujourd'hui, il peut plus. Il a arrêté sa production parce que les prix étaient tellement bas qu'il n'arrivait plus à se rémunérer. Il s'en sortait pas. Ok, donc si je comprends bien, les prix qui sont payés aux agriculteurs pour les produits agricoles, ils sont trop faibles. Mais les agriculteurs, ils reçoivent plein d'aides, non ? Pour compenser ça ? Enfin, on parle toujours de la PAC, de la part de la PAC dans le budget de l'État et de l'Europe. Ouais, c'est sûr que c'est important. Alors la PAC, plus précisément, c'est la politique agricole commune. C'est une politique européenne et son objectif principal, c'est de protéger l'agriculture européenne et de permettre aux agriculteurs d'avoir des systèmes de production rentables. Dans cette politique, en fait, il y a des aides qui sont attribuées, des aides, par exemple, pour l'agriculture biologique, pour son maintien, pour la conversion des agriculteurs qui souhaitent passer en agriculture biologique. Mais après, il y a aussi des aides qui sont plus liées au territoire, donc, par exemple, dans les zones de montagne où l'agriculture est compliquée. C'est vrai. Donc, c'est vrai qu'il y a des aides, mais moi, ce que je trouve pas normal, c'est que les agriculteurs doivent vivre de ces aides. Et donc, leur équilibre économique, il dépend d'une subvention qui est extérieure. Pour moi, ce qui est juste, c'est de toucher un salaire pour le travail qui est fourni. C'est vrai que le salaire, il devrait être suffisant et que ce serait beaucoup plus juste que les agriculteurs puissent vivre de la vente de leur production, tout simplement. Mais du coup, pourquoi est-ce que ceux qui gagnent rien, ils n'arrêtent pas ? Parce qu'en fait, être agriculteur, c'est plus qu'un métier. Tu vois. C'est un choix de vie, c'est un héritage et c'est vraiment une passion. C'est pas très drôle, mais mon oncle, il a vraiment été très affecté par l'arrêt de son exploitation. Il travaillait tous les jours, presque du matin au soir, pour s'occuper de ses bêtes. Et puis il se rendait compte qu'en fait, il se levait tôt tous les matins et il allait soigner son troupeau. Et en fait, à la fin de la journée, il n'avait pas gagné d'argent, il en avait même perdu. Donc, il était très mal. Ok, mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour aider les agriculteurs qui se retrouvent dans une situation pareille ? Alors, il faut savoir qu'il existe des structures d'accompagnement. Donc, il y a des structures pour accompagner au changement de pratique. Donc ça, on vous en parlera dans la deuxième partie. Et il y a également des structures qui sont là pour aider les agriculteurs, pour les soutenir psychologiquement, en fait, parce qu'ils sont parfois dans des situations très dramatiques. Donc, on sait d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a quand même un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en France. Donc, c'est énorme. Et on n'en parle vraiment pas beaucoup. Pourtant, d'après des sondages, il y a quand même 85% des Français qui ont une bonne image des agriculteurs. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'ils ont une bonne image de l'agriculture, mais finalement, ils ne connaissent pas du tout l'ensemble des difficultés que les agriculteurs traversent. C'est vrai qu'en tant que citoyen, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe en réalité. Mais du coup, est-ce qu'il y a des organismes qui tirent la sonnette d'alarme et qui accompagnent les agriculteurs dans ce genre de situation ? Alors oui, il y en a. Il y en a. Moi, personnellement, je connais l'association Solidarité Paysans, donc, à laquelle des membres de mon entourage assez proche ont fait appel. Et donc cette association, elle lutte contre l'exclusion en milieu rural. Donc vraiment, elle permet d'accompagner les familles d'agriculteurs pour parfois, quand c'est nécessaire, faire valoir leurs droits en justice. Elle accompagne les agriculteurs qui se trouvent dans des situations difficiles. Ça peut être des situations qui sont économiquement difficiles. Donc ça, on entend pas mal parler quand les agriculteurs sont surendettés, qu'ils n'arrivent plus à payer leurs impôts ou les cotisations. Mais c'est pas seulement ça. Ça peut parfois être des difficultés plutôt d'ordre technique. Quand, par exemple, leurs pratiques, elles ne sont pas optimales. Et donc, ils n'arrivent pas à bien faire fonctionner leur exploitation. Et voilà, et les difficultés aussi qui sont liées aux institutions, ça on en parle moins, donc les difficultés avec la DDT ou même la MSA. Attends, ça veut dire quoi, DDT et MSA ? Alors la DDT, c'est la Direction départementale des territoires, c'est la représentation sur le département en fait, du ministère de l'Agriculture. Et la DDT, elle est en charge de toutes les questions qui sont liées donc à l'agriculture, et par exemple, on en parlait tout à l'heure, la réception des dossiers PAC. Et la MSA, c'est la Mutualité Sociale Agricole. En fait, c'est l'équivalent de la Sécurité Sociale spécifique aux agriculteurs. Et c'est aussi elle qui reçoit du coup toutes les cotisations pour les salaires, les retraites. Voilà, c'est ça. Merci Inès. Donc, comme je disais tout à l'heure, les agriculteurs qui sont en difficulté, souvent, ils s'isolent. Et ils attendent beaucoup de temps avant d'arriver à demander de l'aide. Et parfois, ils sont vraiment dans un état de détresse psychologique très, très, très important. Et le rôle de Solidarité de Paysans, c'est d'arriver de l'aider en fait, à trouver les bonnes solutions, qu'elles soient techniques, économiques, etc. Et de façon plus importante, en fait, c'est l'aider à retisser des liens avec les institutions, mais surtout des liens sociaux avec son entourage, avec les autres, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les yeux sur l'écart qu'il peut y avoir entre la réalité que vivent les agriculteurs au quotidien et leur perception par la société. Et pour aller plus loin sur ce sujet et éventuellement proposer des solutions, je vous propose en deuxième partie de l'émission de parler des moyens d'accompagnement après la pause musicale avec Aymeric de Tapop. Thank you. écouter « J'ai dansé avec elle » d'Aymeric de Tapol. Vous êtes toujours dans l'émission Agro J'écoute. Nous avons parlé tout à l'heure de la distanciation entre le consommateur et les agriculteurs. Mmh. Avec Marine, Nathalie et Inès, étudiantes à l'école de Purpan. D'ailleurs, tout à l'heure, Inès, tu as parlé d'accompagner les agriculteurs au changement de pratique. J'aimerais savoir qui s'en occupe. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, pour répondre aux attentes des consommateurs, mais aussi pour préserver l'environnement, en fait, on parle de transition agroécologique des pratiques. C'est-à-dire aller vers un système qui soit plus respectueux à la fois des hommes, mais également de l'environnement. Voilà, donc pour aller vers ce genre de système, il y a la Chambre d'agriculture, bien sûr, dont on entend assez parler, qui a des techniciens, qui fait des formations donc pour accompagner les agriculteurs. Mais il y a aussi les syndicats agricoles ou même des associations qui peuvent les guider vers de nouvelles pratiques. Ouais. Et au-delà de ces associations, il y a aussi le gouvernement donc, qui participe quand même activement à la transition avec l'évolution des réglementations. Alors par exemple, la loi Egalim, on en a quand même pas mal entendu parler, elle fixe un objectif de 50% de produits labellisés dans la restauration collective, et ça à partir du 1er janvier 2022. Ok, je vois, mais du coup, tous ces acteurs, ils accompagnent comment les agriculteurs, et puis enfin, pour aller où en fait? Bah, ça peut prendre différentes formes, donc par exemple, tu as de la formation et de la sensibilisation aux pratiques agroécologiques, et ça peut passer par le biais de groupes de réflexion entre agriculteurs pour parler de leurs pratiques et apprendre en fait l'un de l'autre, c'est un petit peu de la coéducation. Et ça peut aussi passer par des jeux. Par exemple, le Rami Fourrager, c'est un jeu de plateau qui a été développé par l'INRA et qui permet d'accompagner la réflexion en petit collectif en fait, pour pouvoir modéliser à travers le jeu l'impact du changement de tes pratiques. Et ça, tu peux le faire du coup pour tes pratiques agricoles, mais aussi pour modéliser l'impact du changement climatique sur ton exploitation. Tu peux le voir sous plein de formes différentes. Et nous, justement, à l'école, on a utilisé des serious games, donc des jeux comme ça qui permettent de modéliser la réalité pour pouvoir en fait trouver des pratiques qui vont permettre d'améliorer la situation. Et on sait aussi qu'on peut utiliser ces jeux pour faire de la médiation entre des acteurs quand il y a des problèmes de communication. C'est vraiment beaucoup utilisé parce que ça permet de mieux gérer finalement les interactions entre les acteurs. Par exemple, c'est utilisé dans les territoires pour la gestion de l'eau. C'est vraiment très utilisé. Ok, donc l'objectif c'est plutôt d'être ludique. Et du coup, j'ai une autre question pour vous. J'avais entendu parler de démarches participatives dans un journal à propos de semences, je crois. Ouais, je pense que tu parles du programme de sélection Réseau Semences Paysannes. En fait, c'est un programme de sélection variétale qui est en co-construction en fait, entre les agriculteurs et les scientifiques. Voilà, et qui permet en fait, de sélectionner les variétés, des variétés de culture d'une manière différente de ce qui est fait aujourd'hui. Et de remettre le paysan en fait au centre du modèle. Voilà, donc il y a ce genre d'outils, c'est vrai, il y a des jeux, il y a des groupes de réflexion, mais comme moyen d'accompagner, on a aussi les projets de labellisation. Il faut pas oublier en fait que le fait d'avoir des labels comme AB, bon, AB qui signifie agriculture biologique, qui est le plus connu, mais aussi d'autres labels comme Nature et Progrès, biodynamie, HVE qui veut dire haute valeur environnementale, ben ça permet aussi vraiment d'apporter une plus-value au travail des agriculteurs, de le mettre en avant. Donc je reprends l'exemple de mon oncle, hein. Lui il était HVE et c'est sa coopérative qui l'avait accompagné, qui l'avait soutenu dans sa démarche de labellisation et ça lui avait permis en fait de gagner la confiance aussi de ses consommateurs en leur assurant qu'il faisait vraiment des produits de qualité. Et puis comme ça, il a même pu vendre ses produits un peu plus cher, en fait, parce qu'il y avait de la demande, du coup. Mais du coup, ouais, tout ça, c'est très positif. Il y a des groupes de réflexion, donc des labels, comme tu as dit, Nathalie. Mais en fait, on se rend compte que souvent, il y a un manque de moyens humains, financiers et techniques qui peuvent freiner la transition agroécologique. Et parfois, il y a même des contraintes climatiques, de plus en plus d'ailleurs, qui se rajoutent là-dessus. Et en fait, surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que les agriculteurs, souvent, ils sont adhérents donc, à des coopératives, comme par exemple ton oncle. Et le problème, c'est que les coopératives encouragent les agriculteurs à faire des choses. Et parfois, ce n'est pas juste encourager, c'est carrément leur imposer des choses. Et du coup, là, bah, les agriculteurs, ils ne peuvent pas faire plus que ce que le système leur dit de faire, finalement. Et donc, bah, par exemple, si, si une coopérative elle a pas de filière de commercialisation en agriculture biologique et qu'un agriculteur il veut vendre ses produits en bio, bah, il ne va pas pouvoir valoriser correctement sa production. Donc, même s'il est labellisé bio, il ne peut pas les vendre comme bio, ça se passe comment ? Non, bah, du coup, il va devoir les vendre conventionnel, au prix conventionnel. Ok. Et oui. Voilà, ou alors la solution, c'est qu'il se lance tout seul, mais ce n'est pas forcément facile en fait, de faire la démarche et de se retrouver tout seul, de me rentrer dans des démarches de transformation de produits pour valoriser. Et puis c'est encore autre chose. Et ouais. Puis que lui commercialise tout seul, ouais. C'est ça, mais ce n'est pas du tout évident. Et puis en fait, si on veut prendre un autre exemple, les céréaliers, en plus de cet aspect coopératif, il y a le fait qu'ils sont complètement tributaires des marchés internationaux en fait. Et ça, il faut vraiment en tenir compte. Quand on attend quelque chose d'eux, quand on attend un changement, la question c'est vraiment est-ce qu'en fait ils peuvent produire autrement aujourd'hui ? Parce que la transition agroécologique, elle peut pas se réfléchir sans prendre en compte ce contexte de mondialisation qui vient avec des difficultés économiques pour les exploitants. Et parfois, en fait, cette mondialisation, elle impose l'absence de changement de pratique. Où, en fait, les agriculteurs qui vont vers l'agroécologie aujourd'hui, ils ne peuvent pas valoriser, comme tu disais, Marine, tout à l'heure, en fait, ces produits, leurs produits sur les marchés internationaux. Et ils sont obligés de revenir plus à des marchés intérieurs, donc plutôt sur du local. Ok. Et du coup, nous, en tant que consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire en quoi on peut agir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner cette transition? Ben, en fait, chacun d'entre nous, à notre échelle, on a plein de moyens de soutenir les agriculteurs français. Et ça, on entend pas mal parler dernièrement, le fait de consommer local, de consommer des produits qui sont de saison. Et puis aussi, au lieu d'aller systématiquement dans les supermarchés, on peut choisir de temps en temps, ou alors de façon systématique, d'aller plutôt dans des marchés ou des magasins de producteurs. Il y a aussi une initiative qui s'appelle AMAP, qui veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui permet en fait, qui nous permet à nous, aux citoyens, de pouvoir acheter directement nos fruits et légumes à des agriculteurs qui sont de la région, qui sont locaux. Alors d'ailleurs, pour les Toulousains qui nous écoutent, il y a de nombreuses initiatives qui ont lieu à Toulouse. Donc, par exemple, des magasins de producteurs comme Minjet ou la Ferme Attitude Toulouse. À Saint-Cyprien. Et il y a aussi l'épicerie paysanne Le Récantou à Jean Jaurès. Et pour ceux qui aiment le zéro déchet, il y a aussi le Drive Tout Nu, donc qui fait des produits 70% locaux. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour les adresses, j'y passerai ce week-end. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'y avoir participé et d'avoir joué le jeu des questions-réponses. Merci à toi. Merci. Nous vous remercions, chers auditeurs, pour votre écoute. Et nous remercions également ceux qui ont rendu ce projet possible, l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université fédérale de Toulouse, la région Occitanie, sur Campus FM. Cette émission a été réalisée par François Berchenko. Et nous avons eu le plaisir d'écouter les titres Le sourire du matin de RP3. Aymeric de Tapol, J'ai dansé avec elle. Vous pouvez bien sûr réécouter l'émission en podcast sur mixcloud.com/campusfm. Et le prochain épisode de notre série Agro J'écoute s'intéressera au territoire. Au revoir. Au revoir. Salut.